بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى وضع عندك؟ وزي. ما معنى الميزان؟ بالانس. الوزن. الزائد. الزائد. الزائد. الوزن الزائد. سي ان سوربلو. اكسبورت سوربلو. On peut traduire par augmentation, tout ça, une augmentation, surplus, augmente. Parce que siada, c'est augmentation. Eh oui, mais là, ça y est, c'est faire, celui-là. Non, ils sont proches. Mal aïe, mal aïe. Remplir. Bitaqa. Bitaqa. Bitaqa. Ça c'est une carte. Bahou. Sol. Non. Ittajaha yattajihu. Se diriger. Sururun. Heureux, joie. Non. Haqa'ib. Valise. Maoum Frat. Ça veut dire. Ah, c'est Jam, ça, Hakari. C'est quel mufrad? Hakari. Hakib. Hakib. Taïb. Donc, les gars, aussi, on a appris comment faire Ism Fa'il d'un verbe, un soulafi d'un verbe à trois lettres. J'ai fait quelle forme? Alaï Wazn. Fa'ala Fa'il. Fa'il. نقول التمارين كوريجي الاساس كمان يجد الثاني عندك نحن معنا كتب نعم أنت معك كتب. نعم. أنت معك كتب. أنتم معكم كتب. أنتن معكن كتب. هو معه كتب. هي معها كتب. هم معهم كتب. هن معهن كتب حبك الله يا ريت نشكر الله في حبنا ثم قلنا رابع كذا وهي في الثالث فقط نعم يدفع 50 ريال خمسين ولا رجل رابع معي 50 ريال سويني بس كيف أفعل طيب الجملة الأولى هنا خمس معي 90 ريال نعم معي 80 ريال ما نقول عندي 90 ريال ما كي عندي ما يلزم يكون معك الآن سي با اوبيغاتوار تو لزم الآن عندي ça peut être chez toi, ça peut être. Tu le vends en possession, c'est pas d'accord avec toi. Marie et Ben, c'est avec toi. C'est comme la DIA, ça va venir. La DIK, la DIK, la DIK, la DIK, c'est une chose, c'est comme Indy, sauf que c'est au moment où tu parles, tu l'as avec toi. Donc ça ferait le sens de Marie un peu la DIA. Non. Alors, ça peut j'ai fait. Salif, t'as fait laquelle toi? Moi j'ai fait la 2. Marie, 70 riyal. Marie, 70 riyal. Non. Marie, معي 30 ريالا. معي 50 ريالا. طيب. Khamis va l'écrire en les nombres en lettres. Que t'as dit c'est la date. Daoud. Non. Que t'as dit. Non. Hat. Ah, c'est la date. Ton but que t'avais oublié. Non, non. Que t'avais pas oublié, tu vois. Là, Arif, 20, je sais pas comment on disait 20. 20 ouais. Je suis oublié. T'arrives à comprendre mon écriture. Je vais tout se passer par là. Et là, c'est le dernier des chotes. Et donc, on a mis un dernier dans l'écriture. On va prendre écrire vite, faire une mesure, comme sur le 12. Parce que dans certains 12, t'as pas de. C'est pas édict, oui, il va lentement, c'est pas grave. J'ai même eu des bits. Tu vois, il avance, il avance au moment. Toi, il faut que tu sois habitué à pouvoir écrire. Et une écriture qui soit lisible. Et ça, Chir Yahya, il insiste beaucoup sur ça pour les débutants. Surtout pour. Surtout, il fait allusion aux Yéménites, parce que les frères sont des questions. Il dit ça, c'est pas ça, c'est illisible. Il dit aux frères, quand vous envoyez des questions, on veut quelque chose de clair, lisible. Vous voyez, il insiste beaucoup à prendre des cours de chot. D'apprendre les écritures. Il y a plusieurs choudoutes, il y a plusieurs écritures en la langue arabe. Et la plus appropriée pour le Toalim, pour qu'il écrive vite, quoi, c'est Roka'a. Elle s'appelle Khot Roka'a. C'est celle que tu vois, des fois tu la vois sur. C'est comme celle du Coran. Non, ça c'est. C'est Nasrat. Non, c'est celle-là que j'ai écrite. Celle-là, mais par contre, tu vas commencer à écrire, c'est écrire plus comme ça. Il y a plus rapide. Un peu rapide. Donc là, c'est ça que je fais quand je décris le tableau un peu. Sauf que normalement, il y a encore plus. Voilà quoi. Il a dit que même des fois, c'est déjà arrivé qu'un savant se fasse critiquer pour son écriture. Ça lui fait perdre de sa autorité. T'es un savant et tout, et quand t'arrives, t'écris, c'est des pattes de bouche. Ça passe pas. C'est déjà arrivé chez les anciens qu'un savant fait critiquer pour l'écriture. Donc il a dit que t'as même d'avoir une écriture claire. Quand tu dis, tu vois. Donc vous encore, ça, c'est normal, c'est le début. Donc au début, c'est toujours fragile. Ouais. Justement, si tu arrives à la cibler depuis le début, et à t'apprendre ça depuis le début, machallah. Tu fais des pages d'écriture. Le prof va te donner. Il y a des profs ici, des frères, ils te donnent des cours d'écriture. À part, tu prends un cahier, une lettre, alif. Après chez toi t'écris alif plein de fois. J'ai commencé à faire ça. Après tout le monde comment enchaîner un alif avec un ha, un alif avec un ra, un ta avec un mim avec un ha. Si t'as dans le ka'a, c'est pas comme ça. T'as des enchaînements qui sont, si t'as pas appris, t'arriveras pas à lire. Mais quand tu sais lire toi, et quand t'écris, c'est fluide, c'est rapide, direct. Alors cette écriture là, Nasra, pour écrire vite, c'est pas pratique. Elle est belle, elle est propre, mais quand tu veux écrire vite pour l'envers, c'est que le prof qui parle, ça là elle est pas pratique. Non. Une fois, Inch'Allah, on trouvera un frère qui sera donné à la DERS, ça ne prend pas longtemps. C'est juste surtout de faire toutes les pages à la maison. Moi, je le fais avec un jeune, un petit, un éménite après la Récha. Je vais le voir lui, je lui donne mon cahier. Okay. Et il me fait ça. Et tu vois, c'est pas des pages. En décalquant aussi. Une technique qu'on avait appris en décalquant. Tu prends un cahier qui est des pages transparentes. Mais soit pour avoir un support qui convienne, genre un cahier d'écriture, qui soit écrit en gros, en gras, tu puisses mettre ta feuille par-dessus, sur l'écriture, et tu fais comme sur la feuille, et tu fais plusieurs lignes comme ça en décalquant, et après de toi-même tu le refais. T'as plus ta main à le faire. Au début tu fais avec le qalam hot, c'est un stylo de calligraphie, propre pour l'écriture, apprendre à le tenir, comment le faire tourner. Et si tu arrives à écrire avec ça, avec un stylo, après c'est direct. T'apprends toi à écrire le style de calligraphie en premier. C'est quoi ça? C'est un stylo qui a une. Ça ressemble un peu au stylo du Sabura, stylo de tableau, mais une mine comme ça. Tu vois? En plus petit. Par exemple, quand tu vas faire un. Un roi, il va t'apprendre à prendre le stylo et à le faire tourner. Tu vois ? Un alif, il faut qu'il soit comme ça. Après la hamza, tu prends le stylo et après, hop, ça tourne. Tu aurais une épaisseur là, ici, plus fin. Et quand tu vas respecter ça, au début, c'est un... On ne demande pas d'écrire comme ça sur ton cahier. Mais si tu arrives à écrire comme ça, avec une calligraphie de toi-même, et le stylo, tu vas écrire vite et propre. On va te donner le plus dur. T'as dit, c'est plus dur pour t'aller à faire, c'est plus facile après, de toi-même. C'est comme ça, juste une étape, tu vois. Elle a fité au bout, et longue. Alors que le stylo, c'est une pointe, c'est une bille. Il n'y a pas d'effet comme ça. ensuite, on avait dit, ça vient. Hawil, Jubal, Atiata, Kemaf, Namouzaj. Donc, transforme la phrase suivante, comme dans l'exemple. Là, il faut faire un isme fa'il. Akhir man qara'a. C'est lequel de l'an dernier ? Bah, c'est pas. Attends, t'as le Ana katabtu, ana katib. Non. Ana qara'atu, ana qara'atu. Ana quoi ? Qara. Non. Ana qari'atu. Qari. Qari. C'est tout. Ah, أنا شربت أنا شارب أنا حجزت أنا حاجز أنا دخلت أنا داخل أنا خرجت أنا خارج أنا قدمت أنا قادم أنا جلست أنا جليس جالس أنا دفعت أنا دافع. أيوة. وأنت طلبت أنت. داود. أنت طلبت أنت. طالب طالب. وهو علم هو. هو عالم. نعم. Quel que soit le la il n'y a pas une conjugaison particulière pour ça. Que ça soit si par exemple c'est Antum, parce que là c'est Anna, mais Antum, je n'ai pas oublié Antum, Antum Katibouna, Jam Zakarsen, ou autre chose, tout l'aide, pardon, il y a différents pluriels, Salen, parce que là on a vu que Anna, je veux Salen, Sarkozy Kafara, Fawa, Kafir, Kafir, et le Jam c'est quoi, Kafiroun, Kufar. Ça c'est un nom. De Aslama. Aslama. Et le vazor c'est l'islam. Tu vois ? Ismi Fahri c'est musulman. La Aslama ça a le même sens que Salama. Là. Parce que. Salama c'est par exemple. Tu dis à un ennemi, Salim el Sek, rends-toi. Tu vois ? Et Aslim c'est soumets-toi. C'est plus proche de ça. C'est proche. Ça y est, c'est proche. Parce que là, dans le texte, ça prie. Parce que tu peux te rendre, mais t'es pas soumis, t'es pas d'accord. Tu fais de malgré toi, tu vois. Mm-hmm. Alors que celui qui le yuslim, se soumet et tout, et il accepte la chose. Mm-hmm. Surtout dans l'islam et char, tu vois. Dans la législation, l'islam, c'est tu l'acceptes. Ça mine. Pour remplir les trous. Allez, je mets le où là ? Chandek. Wada'a, wada'a musafirul hakibata. Al-hakiba. Al-hakibata. Al-hakibata al-mizan. Achat, mizan. Fania. Alors. Ittajara musafiru ila bahwi, ila bahwi safar. Non. Et t'as déjà qu'il fallait mettre. Fais les fins. Talabal Mouadof Mouadofou Bata Bata Kaja. مَعْرَفُوا بِطَاقَتَ فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ الْبِطَاقَتَ لَوْ سَمَحْتَ. نعم. رد المسافر فقال بكل سرور. نعم. من الآن مسافر بطاقة. نعم. طيب. الآن سنقول في الوحدة الثانية. طيب الدرس الرابع كفينكو. Elle se rapporte au voyage en lui-même. Au début, c'était quoi? Les formalités du voyage. Maintenant, ça va être le départ. Le Mahmoud. Tamam. Al-Kalimat al-Jadida. Le nouveau vocabulaire. Al-Khutut al-Jawiyya. Al-Khutut à la base, c'est plus rien de Khot. Khot. طيب ان خط سي سبت ليكتير كما قلت لك خط ركعه بعضهم في ليكتير ركعه خط نصفه في نصفه خط سبت اونين طيب اتري قدر الحديث عليه السلام انه خطط خطط خطوطا لابيدين ابي لابيدي تري en parallel mais enfin transversal de ce trait là il dit quand il a fait le trait il a dit ça c'est mon sentier. Sortir d'Allah plutôt, c'est un peu mustaqim. Après, à côté, il a fait des traits comme ça, en transversal. Il a dit khutut, il a dit souboul, puis koulisabil, shaitan. En fait, ce sont des. Comment ils appellent ça? Quand la rue. Des déviations. Et à chaque déviation, au bout de chaque déviation, t'as un shaitan qui vous appelle. C'est-à-dire qu'Islam, Tayyib, et la Tariqa du Nabi Salam, c'est un seul traite. Et Hadina, c'est l'ordre de mustaqim. Il nous fait au chemin droit, c'est un. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il y en a un seul. Et après, il a fait des lignes transversales comme ça. Il a dit à chaque ligne, il y a un shaitan qui appelle les gens pour les faire dévier. Et sur le chemin droit, et après, bah, il dévie. Ça devient Hizbi. Ça devient Ikhwani. Ça devient Soufi. Bien qu'il y ait un Soufi petit Hizbi aussi. Ikhwani petit Hizbi, tu vois. Ça devient Tabiri. Ça devient Takfiri. Ça devient. Et à la finale, bah, t'as un seul chemin. Tu vois? Et souvent, les moins nombreux, c'est ceux qui sont. Et les plus nombreux, ils vont à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc, dans le hadith, il a dit Khatta Khututan. Vous voyez? Il a fait une ligne. Et là, le Khutut, c'est les lignes aériennes. Jawiya, Jaw à la base, Jaw, c'est l'air extérieur. Jaw, tout seul, Jaw, c'est l'air extérieur. Donc là, il veut dire quoi? Les lignes aériennes. Al-Khutu, regarde bien ce qu'il y a devant. Non, non, non. T'as la réponse. C'est quoi l'ignée aérienne? Non. Rakam, quel numéro? On peut dire compagnie aérienne aussi. Ouais. Hein? Lignée aérienne, compagnie aérienne. Ouais, non. Mais à la base, compagnie, c'est plus Shalika. Les khutut, c'est les lignes, en fait. Mais eux, ils veulent dire comme tu as dit. Hein. Rakam, ça c'est numéro. Bawaba, c'est les sas, les portes, les portails. Ça vient de Bab. Vous voyez, Bawaba, il veut dire les portails d'embarquement, les sas d'embarquement. Musafir, c'est le voyageur. C'est l'isme fa'il de Safara Musafir. Vous voyez, c'est l'isme fa'il. Soud, ça c'est la montée. La montée. Sardé Yassardou. Yassardou plutôt. La montée. Et ça c'est un isme ferré aussi. Ça c'est un masdar. Un masdar. C'est quoi la différence entre les deux? C'est la façon d'écrire. De quoi? Le masdar, parce que Soud c'est la montée. Eh ouais, c'est pas monte. C'est pas celui qui monte. C'est pas celui qui monte, c'est l'action. Ça c'est l'état. A'lana yu'linu. Yu'linu. Non. Et le mazdar c'est i'lan. On va l'écrire. Qui veut dire annoncer. Annoncer. Non. أعلن أعلن يعلن إعلانا طيب إعلانا نعم مصدر إعلان طيب يعلن Il n'y a pas de point, mais c'est un nom. Le nom dans le cas, il n'y a pas de point. Comme ça. Continue tout seul à la fin. Non. Marra, yamurru. Ça, c'est passé. Et le mazdar, c'est murur. Mururan. مرة يمر مرورا فسايا فسامي مرة يمر مرورا Samia, Yasma'u, vous connaissez. C'est-à-dire quoi? Passé. Et comment tu veux dire le rame? Mour. Mour. Mais ça, ça se dit pas, ça, on dit autre chose. Oui, mour. Mouchi. C'est le mot. On dit pas sir. Sir. Sir. Sir, c'est plutôt avance. Samia, Yasma'u. Mais il faut employer aussi, non? سميع يسمع معروف qui veut dire entendre نداء ou نداء ils n'ont pas mis en استمع c'est quoi ça استمع c'est écouter oui. C'est le fait de vouloir écouter et سميع c'est entendre نداء c'est un appel comme حرف نداء يا محمد c'est particule d'appel توجه يتوجه c'est le même sens que يتجه يتجه se diriger vers et moi j'ai écrit توجه ils m'ont écrit là سلم يسلم Non, mais là, c'est pas ça qu'ils veulent, malheureusement. Les boutesses, là, par entre Mahmoud et son copain, il fait salam alaykoum. Là, il veut dire quoi? C'est le fait de donner quelque chose. Mais ça, je comprends pas. Rendre quelque chose. Mais en fait, les mots, là, ils ont des... En fait, ils peuvent prendre n'importe quel sens, selon le contexte de leur phrase. Ouais, le champ de sens peut changer en fonction de la phrase. Parce que des fois, on ressent, on utilise le même verbe pour dire salut. Salam. Ah, ouais, c'est le même verbe. Mais il veut dire autre chose à la base aussi. Là, c'est donner, c'est ça? Ouais. Donner quelque chose, désirer quelque chose. Mais à la base, on l'utilise pour saluer ça. Pas forcément. Il est souvent utilisé pour le fait de donner et tout ça aussi. Ça dépend en quelle circonstance tu veux. C'est un truc que tu dois à quelqu'un. Prends pour le mot salam. Wazana yazino, c'est le mazan, c'est wazn. Wazana yazino, c'est peser. Vous voyez, wazana yazino, et c'est peser. Et wazn, on l'a pris, vous vous rappelez, ça veut dire poids, et en fait, wazn, c'est le mazdar de wazana. C'est mazdar. Et le ham Zin. Yazino. Dhabit, c'est un officier. Un طلبيت là c'est un officier. Ça peut être un gradé de l'armée ou de la police ou quoi. Ou afshun, c'est les bagages en fait. Tout ce que tu amènes avec toi quand tu es en voyage. Afsh. Ça peut être aussi les choses que tu laisses dans ta maison, les afaf. On peut aussi les appeler afsh. Maintenant, quand tu arrives ici, tu prends le car, le bus pour arriver à des mecs, tous tes bagages, il va te dire afsh, il va l'appeler afsh. C'est tous les bagages. Non, là, ce qu'il veut dire, c'est les bagages. Dans ce texte-là. طيب ثم العبارات بمشية الله مشية في المظهر الشاء يشاء كي رفت في الولونتي لله طيب بي في عفو جار مشية في الولونتي لله بعض الجلالة ايتي كل سي طالة بولونتي لله لا سي جوال طالة بولونتي لله Echa'av, c'est vouloir ça. Mmh. Et ça, c'est réservé pour Allah ou c'est en fait vous utiliser ça. Je peux utiliser pour le très bon. C'est dans le même sens que Yulid. Mmh. Yulid, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Il y a un hadith, Nabi Salam, il a dit quoi ? Un rajul qu'on est là-haut. Elle t'a wadou roubi le hum, elle renam. Est-ce que je fais le dos de... après avoir mangé du bouton ? Il a dit Inchita. C'est du char. Et après, il y a ton dos, le hum, le début, quand il y a une arme. Est-ce que je fais le dos avec la viande de chameau ? Il dit oui. Donc c'est là qu'on a eu l'obligation, parce que dans le premier, il dit si tu veux. Et l'autre, il dit oui. Voilà. C'est pour que manger la viande de chameau, c'est parmi les n'avoir que des lodos, ça vient de lodos. Vous avez mangé du chameau ? Ici, non. Ça peut être bon, ça, vraiment. J'ai pas trop distingué. C'est vrai, j'ai, pourquoi j'ai mangé, j'ai pas distingué que c'est vraiment une viande différente. On en mange tellement rarement de la viande ici que. Dans du mouton ou du bœuf ou quoi, tu fais pas trop la différence. Mais si c'est bien cuisiné, quelqu'un y connaît, ça. Voilà, ce qui paraît, ça ressemble à de la viande de gibier, mais j'ai pas ressenti. J'ai envie de manger. Chama, tu trouves, hein. C'est bien ici. Il y avait plein de chameaux qui passaient à une époque. Ici, des troupeaux de chameaux. Après, comment comme sauvage. Non, non, sauvage, non. Avec le roi, avec le berger. Taïeb. من قرا الاخر المرة الاخرة كيف قال له التكست هذا نحو طيب اليوم لك تفضل أراد محمود السفارة إلى رياض فحضر إلى بحر السفارة اوكي on traduit أراد c'est محمود a voulu voyager à Riyad donc il s'est rendu à la salle de voyage. Ça se fait faire hadara, se rendre. Non. Wasallama al-Muwaddafa jawaza safarihi wa tadhkirati. Donc il donna à l'employé son passeport et son billet. Thumma wadana haqaibahu wa dafa'a Khamsina dolaran qima. Ils n'ont pas mis dans le truc, qima c'est la valeur. Ils n'ont pas mis dans le vocabulaire. Comme on a dit, ce petit texte là, c'est le texte qui se rapporte à la conversation qu'il y a eu par avant entre Mahmoud et Mouazzaf. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste l'être le compte, en résumé. Naam. Donc il a dit, ensuite il posa ses valises et paya $50 pour l'excès de poids de ses valises, de ses bagages. Zaid, l'excès de surplus. Non. Mais le climat, c'est valable pour une maison, n'importe quoi, le ouais, prix. Une chose qui est de valeur. Ça, sauf les comptes, le prix. Hein. Ouais, mais l'emploi pas comme ça. L'emploi comme ça. On dirait Femen Siyar. Femen. Je peux dire, marque climat de parce qu'une climat, une valeur, c'est pas forcément un prix. Tu dis, Hel Hada, qu'est-ce que climat tout veut dire? Climat qui est bien, Rosvalia. Mais pas forcément te dire un chiffre. Tu vois ? Tu dis Kam Sir Hada, elle va te donner le chiffre direct. Kam Sir Hada, le plus ça, il va dire Khamsoun, Sittoun, Sabroun, Ali. Sir, c'est quoi ? Sir. Ça veut dire Faman, c'est le prix. Non. Kam Sir Hada, quand tu dis ça, c'est quoi son prix ? Combien son prix ? Voici. Summa tasallama. Summa tasallamu. Tasallamu. Tasallama. Mardi. Mardi, où ? Là, c'est une question, c'est il compte. Donc, c'est que où ? Je sais pas si c'était Salama en fait. Summa tasallama bitaqatel mu'adarati wa malaha. Ensuite, il a reçu. La carte de départ, il a rempli. Summa marra ala dabiti jawazati wa ba'da dhalika tawajjaha ila bahwi musafir. Ensuite, il passa par l'officier des passeports et ensuite, après cela, il se dirigea vers la salle des voyageurs. Pourquoi ils ne mettent pas toutes les lettres, les vocalisations ? Parce que moi, je ne sais pas, tu vois, si c'est que ça. De quoi ? Moi, je ne sais pas. Par exemple, je ne sais pas si c'est Baroud, Barid, je ne sais pas. Barada. C'est pas dans le fait, on se met depuis le début. Le jour, parce que les couteaux, en général, il n'y a pas de harakat. Non. C'est l'origine dans les livres, c'est qu'il n'y a pas de harakat. Ça, après, ils ont oublié le alif, la Jawazat. Jawazat. Là, ils ont oublié l'alif, ça. Non. On va rajouter. Le droit d'imprimer, je ne sais pas. Bon, c'est. Wa sa'ati sami'an nada'a ni. Sami'an nida'a. Sami. Sami'an nida'a. Sami'an nida'a. Et-tali. Et-tali. Donc après, au bout d'une heure, il entendit, voyez, l'appel suivant. Sachez également en arabe, sa'a, c'est pas forcément une heure. Ça peut être un laps de temps. Voyez, par exemple, à Hadith, eux, à l'époque, ils n'avaient pas de montre. Ils n'avaient pas. Sa'a, c'est pas forcément 60 minutes. Comme à notre époque, comme dans le Hadith de Mu'adh ibn Jabal, il a dit qu'on tourne le Nabi sallam, à la Hira. Voyez, quand là, il y a Mu'adh. فقلت لبيك يا رسول الله ensuite قال لك مرة ساعة en fait il dit quoi il était à l'arrière en train de chevaucher avec le Nabi avec le Prophète sur un âne en fait il appelait يا معاذ il dit لبيك يا رسول الله c'est à dire je réponds ton appel فسعيدك c'est ça qu'il dit سعيدك ensuite il dit فمرة ساعة c'est pas une heure elle est passée il m'a rien dit. C'est, il y a eu un temps en fait. Là, ce temps qui s'est passé, il a rien dit. Après, il a rappelé. Il y a Mu'ad, il a redit La Bek et Asrullah, Osa Yadek. Après, il a dit Marasa. Après, une troisième fois, la personne a dit Il y a Mu'ad. Mu'ad lui a dit Il y a La Bek et Asrullah. Après, il a dit Etadri, Mahakullah à l'Aïbad, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs ? Le hadith, que vous connaissez. Donc, il dit Marasa. Une heure est passée, en fait, on croirait. Mais si tu ne connais pas le vrai sens, tu vas dire, il y a une heure, hein, on s'est mis l'appel, il dit, il y a Mu'adh, non, il va prendre une heure, il ne dit, dit plus rien. Tu ne vas pas comprendre. Et ce n'est pas une heure qu'il veut dire, c'est un temps qui s'est passé. C'est comme le hadith de la Sa'a du Jumu'ah. Ce n'est pas une heure, c'est un temps. Dans le Jumu'ah, il y a un temps dans le Jumu'ah. Vous voyez, tu fais le Dua, Allah, il s'agit de mec. Ce n'est pas une heure, genre 60 minutes. C'est rien, un temps dans le Jumu'ah. Vous voyez ? Non. Mais à notre époque maintenant, dans le style Al-Qadi, de nouvelles technologies, ça a fait une heure, 5 minutes, comme on la connaît. Mais dans les hadiths, on ne peut pas avoir. C'est Mouta, quoi. C'est comme un Mouta. Voilà. L'Ahda ou. Non. Terminons. Al-Ta'ali, à fond. Donc, après une heure, il a entendu l'appel suivant. Al-Ta'ali, c'est-à-dire suivant. Terminons, Khoutout. عربية سعودية عن قيام رحلتها رقم رقم كم؟ رقم Tismoun. La. Tis. Allez, arabe histoire. Tisrin. Non, Tismoun. Tisrin, c'est un boudin du lait. Ah, ouais. Donc il dit donc on est dans le photo de l'Arabie Saoudite, donc les lignes aériennes ou la compagnie aérienne, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, annonce, c'est-à-dire à la main tournée, c'est annonce, c'est-à-dire un prière, en fait c'est que le vol lui appartient, c'est-à-dire le vol, l'ordre de design du vol numéro 90. Prium, c'est l'arrivée, quoi. Là, en fait, là, ça ne pourrait pas traduire. C'est en fait, on dirait directement l'annonce de son vol. Mais quand on dit un prium, ça va se faire, là. Vous voyez, comme quand Kram dit Salah, vous voyez, c'est-à-dire que la Salah, ça va se faire, là, les proches. La prium, ça devient du verbe Kram. Vous voyez aussi بماشيتي الى رياض نعم رحلة c'est le vol se dirigeant par la volonté d'Allah à Riyad. En fait c'est le refil enchaîné, on a coupé l'autre mais ça aurait été la phrase voyez tourner le khutu de l'arabie et la saoudie et tout en qiyam rihlatiha rukm 90 al muttajiha et ça revient à quoi rihla c'est un sifa de rihla mais Machiatina, il est à Riyad. Vous voyez, c'est que les lignes aériennes de Saoudi vous annoncent, vous voyez, le départ du vol 90, se dirigeant par la volonté d'Allah vers Riyad. Alors tu vois, les khutut saoudiennes, et bien, Alhamdulillah, font un appel à Allah, elles. Mais Machiatina, ils le disent. Depuis le début du texte, c'est un petit peu, tu vois. Non, sur les Égypteurs aussi, ils font des doigts et tout. Après, tu vois. Moi, je parle dans le Kitab. Depuis le début, tu vois, ils disent rien. Le Mouazin ne dit rien. Vous voyez ? Ça dit quoi, ouais. Et puis là, par contre, pour rentrer un vol, ils le disent. Alhamdulillah. Vous voyez ? Voilà, ala hadhihi rihlati sur'atu tawajju. Donc, les voyageurs doivent se diriger en vitesse vers le vol. Donc, du moins, les voyageurs de ce vol, passagers de ce vol, doivent se diriger en vitesse. Donc en fait, c'est la suite de la phrase qu'on a coupée. En fait, on va leur dire depuis le début. Al-Musafirin, donc les voyageurs doivent. Les voyageurs ou les passagers de ce vol, vous voyez, sous la toute Tawadjou, doivent se diriger en vitesse. Il est le Khulouj, dans les portails de sortie, ou sas de sortie. Rob Salafa, numéro 3. Disroud et Tawira. Pour monter dans l'avion, pour l'embarquement en fait. En fait, on dirait pour l'embarquement dans l'avion. Et Tawadjou, il est souvent utilisé sur la toute Tawadjou. Souvent utilisé sur la toute Tawadjou. Sur la toute Tawadjou. Là. Dépêche-toi vite. Voilà. Là, c'est. Ça, c'est. Ça, c'est quand ils vont essayer de faire des bonnes formules que les couffards sur l'arabe. De mettre comme ça, quoi. Sinon, non, c'est pas une tâche qui sont. Quand je vous le dis, ce livre-là, c'est des formules vraiment de d'échange entre les gens, ceux qui ne se connaissent pas ou quoi, de politesse d'après, tu vois. Mais en vrai, tu vas parler comme ça aujourd'hui, les gens vont dire tu vas pas trop dire que tu parles comme ça, c'est pas ça. Hein. Même le chien, on parle comme ça. Alors la même, on parle comme ça, tout ça. Là, c'est des trucs, on va dire, le langage commercial. Vous voyez, clientèle. نعم طيب ثم يقول اولا اجيب عن الاسئله الاتيه دونك ريبون كيسيون سوفونت هذا سيكون نيرادين لي كيسيون بو تشوف لي كومبي ايش كون فير بور دوما ماذا سلم محمود الموظف كيسك محمود طيب ا دوني ا ليفري سلم سو ليفري اوسي بعد Décon. C'est pour pouvoir dire livrer aussi. Vous voyez ? Mais là, il veut dire donner. Ma sallama Mahmoudoun et Mouazaf. Qu'est-ce que Mahmoud a donné à l'employé ? Ah voilà. Thaniyan, Ma'adha Wazana Mahmoudoun. Qu'est-ce que Mahmoud a pesé ? Thalithan, Kem Dafa'a Lil Wazn Zaid. Combien a-t-il payé pour l'excès de poids ? Le surplus de poids. رابعا ماذا أعلنت خطوط سعودية؟ كيسك للين أيان للين سعوديين متنوسي؟ خامسا إلى أين تتجه أفوان الرحلة رقم 90 طيب؟ en quelle direction quelle est la direction du vol 90 vers où se dirige-t-il سادسا ماذا طلب الموظف من المسافرين؟ Qu'est-ce que l'employé a désiré des voyageurs؟ سابعا ما رقم بوابة الخروج؟ Quel est le numéro des portails de sortie, des sas de sortie؟ ثامنا لماذا يتوجه المسافرون إلى بوابة الخروج؟ Pourquoi est-ce que les passagers se dirigent vers les portails de sortie؟ والأجوبة كلها في النص. Les réponses sont dans le texte. Bah, faut mettre la fille là. Là-haut ? Non. Fanyan, imle le forarat, tu du mal à tia, birtiel, kelemet et munasiba, bima yali. Donc, répond ou remplit les trous, les vides, d'ailleurs, les phrases suivantes, en utilisant, en choisissant le mot qui correspond parmi ceux qui suivent. Le premier mot, al-tawadjou. Ça, c'est le mensonge de tawadjou. Al-ashf. Le bagage. Samia, entendre. Dhabit, officier. Première phrase. Wada'a al-musafiru summa talbid al-mizan. Donc, le passager ou le voyageur a posé quelque chose, voyez, sur la balance. Fanyan, fahasa, un nouveau verbe. Fahasa, c'est examiner, analyser, contrôler. Par exemple, un farsdem, c'est une prise de sang, une analyse de sang, sanguine. Analyser, contrôler, examiner. Yafhasu. Fahasa, yafhasu. Vous voyez, donc, fahasa, vous voyez, un trou, al-jawazat, al-jawaz. Donc attention, regardez le jawazat, il a un kasra. Donc demandez-vous pourquoi. Il a un mot qui lui donne une kasra. Vous trouvez le mot qui correspond et c'est facile de faire. Salifan, t'as un trou, ensuite, al-musafiruna al-nida'a. Donc les passagers ont quelque chose l'appelle. Rabi'an, al-musafiruna sul'at, trou, il est bawabat al-khuruj. Donc les passagers doivent quelque chose en vitesse vers les portails de sortie. Je pense que c'est clair. Merci. Pas mal ? Un de comme vous souhaitez ? Un de comme vous souhaitez ? Un de comme vous souhaitez ? Un de comme vous souhaitez ? Un de comme vous souhaitez ?